بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le dars d'aujourd'hui s'intitule « Qawa'idun fi l'i'tisam bil kitab wa sunnati wa manhaj al-salaf ». C'est un ensemble de règles sur le fait de se cramponner au livre d'Allah, c'est-à-dire au Coran, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la méthodologie des salaf. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه النسائي بإسناد صحيح. La parole la plus véridique est le livre d'Allah. La meilleure guidée, la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouveautés dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est une bid'ah, une innovation. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement est dans l'enfer, dans le feu. Rapporté par Al-Nasa'i, sur le hadith numéro 1578, avec un isnad authentique, avec une chaîne de transmission authentique. Ce hadith, il nous résume de manière tout ce qu'on va traiter dans ce dars. C'est un résumé, on va dire. Et on voit, pour montrer que quoi, que toute kullu, hein, c'est une généralité. C'est-à-dire, toute bid'a est un égarement. Il n'y a pas de bonne bid'a dans notre religion. Et on va y revenir, inshallah ta'ala. Wujub ittiba' al-kitab, l'obligation de suivre le livre, c'est-à-dire le livre d'Allah, le Coran al-Karim. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ceci est le livre dans lequel il n'y a aucun doute. C'est une guidance, une guidée pour les muttaqin, ceux qui craignent Allah, ou pour les pieux. C'est un verset général qui nous incite à suivre le livre d'Allah Azza wa Jal si on craint Allah. قال الله تعالى في سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Suivez ce qui a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui des alliés. Hein? Et il se rappelle peu. C'est dans le surat Al-A'raf, la surat 7, le verset 3. Et Allah Azza wa Jalla, encore une fois, il nous a ordonné de suivre son livre qu'il a révélé lui-même, qui nous a révélé, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit à propos du Coran dans un autre verset, قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. C'est dans sourate Fussilat, le verset 44. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Comme quoi le Coran, Allah nous a dit Azza wa Jal, قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Il est pour ceux qui ont cru une guidée et une guérison. Ce Coran, pour ceux qui le lisent, pour ceux qui le méditent, pour ceux qui l'appliquent, il est une guidée et une guérison. Ibn Kathir dit à propos de ce verset, « Ay, qul ya Muhammad, هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لمن في الصدور من الشكوك والريب والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي لا يفهمون ما فيه وهو عليهم عمى أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان. » Il dit comme quoi, ce verset signifie Ibn Kathir, dit « Oh Muhammad, ce Coran est pour celui qui a cru en lui une guidée pour son cœur, hein, et une guérison pour sa poitrine. Une guérison de quoi? Une guérison de ash-shukuk, des doutes, wa raib. C'est un autre mot pour dire des doutes. Donc la personne qui a des shubuhat dans son din, qu'il revienne d'abord au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa huda wa shifa. Allah Azza wa Jalla nous dit dans un autre verset, dans surat al-hujurat, les appartements, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم أي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة في إعلام الموقعين. Ce verset signifie, si on essaie de le traduire, il dit quoi? Oh, vous qui croyez, ne passez pas devant Allah et son messager. La tuqaddimu bayna illahi wa rasul. Ibn al-Qayyim il a dit, rahimahullah, que ce verset il signifie quoi? Ne dites pas jusqu'à ce qu'ils disent. Allah Azza wa Jalla dans le Coran. N'ordonnez pas jusqu'à ce qu'il ordonne. Ne faites pas de fatwa, ça n'informez pas les gens sur le din, jusqu'à ce que Allah lui-même informe dans son livre. C'est-à-dire, ne passez pas par le livre d'Allah. Alors, quand vous dites une chose, quand vous faites une chose, assurez-vous que c'est dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et en conformité avec hadith salaf, comme on va le dire dans ce qui va suivre. Et Ali ibn Abi Talha, il a rapporté d'Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, comme quoi ce verset signifie « La taqulu khilaf al-kitab wa sunna » ne dites rien qui s'oppose au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On voit que les gens, ils sont loin de ces versets déjà. Rien que ces versets, s'ils lisaient seulement le Coran, et s'ils méditaient seulement le Coran, comme il a dit Allah Azza wa Jal, « Afala tadabbaruna al-Qur'an am ala quloubin aqfaluha » ne méditent-ils pas le Coran, ou est-ce qu'il y a des cadenas sur leur cœur? Dans le sens du verset. Les gens, comme s'ils lisaient le Coran, qu'ils ne méditaient pas, ou comme si carrément ils ne lisaient pas le Coran. Hein? Que ce soit dans les bases de la religion, dans le tawhid déjà, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'ibada, dans l'adoration, dans le fait qu'ils font du shirk dans l'adoration, dans al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, le fait de s'allier avec le croyant, de se désavouer du mécréant, toutes ces choses-là, elles sont clairement dans le Coran. Est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran, ou est-ce qu'il y a un cadenas sur leur cœur? Ou est-ce qu'ils disent tout simplement, ils voient que c'est dans le Coran, et ils prennent leur propre avis? Wallah al-musta'an. Qala Allah ta'ala, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. Dans sourate An-Nur, verset 51, Allah Azza wa Jal dit: La parole des croyants, lorsqu'on les invite à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, ليحكم بينهم. Ils disent quoi? Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Wa ulaika hum al muflihun. Et ils sont ceux qui réussiront. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, et qui a peur d'Allah et qui le craint, ceux-là auront la réussite. Ils auront la réussite, c'est-à-dire le paradis. Allahu a'lam. Donc tous ces versets-là et des dizaines de versets nous incitent à quoi? À suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne pas passer en avant du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, wujub ittiba' as-sunnah, l'obligation de suivre la sunnah. Déjà, on a vu que le premier daraja, le premier niveau, déjà, suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de gens, ils sont loin, même ceux qui se prétendent de la sunnah, même ceux qui se prétendent pieux dans le din, etc., etc., même certains qui se prétendent ulama as-su, min ahl al-bida' wa al-dalal, et les ulama de l'égarement et de l'innovation. Que dire du deuxième niveau qui est le fait de suivre la sunna? قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله عز وجل dit dans sourate Al-Ahzab, le verset 21: Et vous avez dans le messager d'Allah un bon exemple à suivre pour ceux qui espèrent Allah, hein, et le jour du jugement dernier, et qui se rappellent Allah beaucoup, abondamment. Donc les conditions, elles sont mises dans ce verset. Le meilleur exemple à suivre, c'est qui? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui? Pour celui qui espère Allah le jour du jugement dernier et qui se rappelle beaucoup Allah. Le nom d'Allah qui nous met parmi nous. Et Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Hashr: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ Allah shadid al-iqab. Et dit: ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Subhanallah, la'allahum yatadabbaroun, la'allahum yatafakkaroun, la'allahum yatadakkaroun. Si seulement ils pouvaient méditer ces versets-là: ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans un hadith que c'est sunnah, dans le sens que ce n'est pas obligatoire. Et Allah est dur en châtiment, effectivement, pour celui qui s'oppose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il est dur en châtiment. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu: ya Rasulallah, wa man ya'ba قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. أبو هريرة rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, ce qui signifie toute ma communauté rentrera au paradis sauf ceux qui refusent. Les sahaba ils s'étonnent. Comment ça, qui va refuser cela au messager d'Allah? Et le prophète صلى الله عليه وسلم répond, celui qui m'obéit il rentrera au paradis, et celui qui me désobéit il a refusé de rentrer au paradis. Ce hadith il est rapporté par Bukhari, le numéro 6851. وعن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés. Une exhortation, on pourrait traduire une exhortation éloquente, qui a fait bouger nos cœurs et qui a fait pleurer nos yeux. Nous lui dîmes, ô messager d'Allah, c'est l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Alors, donne-nous un conseil, awsina. Donne-nous quelque chose, après on va se cramponner. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné dans ce hadith quelque chose. On pourrait passer des heures à étudier chaque terme. Et on va le citer de manière résumée. La première chose, il a dit, Usikum bi taqwallah. Je vous incite à la crainte d'Allah. Première chose. Demande à Allah qu'il nous mette parmi ceux qui le craignent. Wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi. Et d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire à vos umara, à vos émirs, même si celui qui prend le pouvoir sur vous est un esclave abyssin, éthiopien. un esclave noir. Donc il faut écouter, obéir au umara, le pluriel de émir, même s'ils sont des esclaves abyssins. L'importance de cette partie, on va en parler de manière résumée, l'importance de cette partie, c'est qu'à notre époque, les gens, particulièrement ici en Occident, mais aussi dans beaucoup de pays arabes, ils vivent sans aucune, sans personne au-dessus de leur tête. Ils vivent libres, entre guillemets. Conformément à la religion démocratie qui dit que les hommes sont libres, l'individu, tout ça, toute cette bêtise qu'on nous a appris depuis qu'on est petit. Alors que, dans l'islam, la personne, normalement, comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths rapportés par l'imam Ahmed dans son Musnad, par Abu Daoud dans son Sunan et d'autres, comme quoi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, fi safar, falyu'ammiru ahadahum. Si trois personnes sortent en voyage, qui nomment l'un d'entre eux comme émir. Et dans un autre hadith, celui-là, c'est un émir khas particulier. Dans un autre hadith, il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَ مَاتَ مِتَةً جَاهِلِيَّ رَاهُ مُسْلِمِ. Et celui qui meurt sans avoir à son coin bay'a, il meurt du mort de la jahiliya. Ça signifie que les gens, s'ils n'ont pas d'umara, s'ils n'ont pas d'émir, s'ils n'ont pas de bay'a, s'ils n'ont pas toutes ces choses-là, s'il n'y a pas une personne qui rassemble la communauté sous son autorité et auquel les musulmans font allégeance, ils ressemblent aux gens de la jahiliya. Il ressemble aux gens de la jahiliya. C'est comme l'a dit le Cheikh Mohammed Abou Hab dans son livre Masail al-Jahiliya, question de l'ignorance de l'anti-islam, c'est une des caractéristiques des gens de la jahiliya, comme quoi ils vivent sans autorité. Ils vivent les uns comme ça, les uns les autres, comme ils vivent les gens à notre époque, comme ça, sans autorité, sans humain. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'inverse, il nous a incité à écouter, à obéir à nos émirs, même si c'est un esclave abyssin. Dans certaines versions du hadith, il est venu, Madame yaqudukum bi kitabillah, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Ce qaïd, cette condition-là, il fait sortir directement tous les tawarit. Tous les tawarit, c'est-à-dire tous les gens qui changent la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prétendent encore avoir l'autorité sur les hommes. Eux, ils n'ont aucune obéissance. Ce sont des murtadin, des kofars, des tawarit. Comme Allah, il les a nommés dans la surat al-Nisa. Il va prendre pour juge le tawarit. Non, là on parle de Umara, qui nous dirige vers le livre d'Allah, qui nous dirige selon le livre d'Allah. Si jamais il n'y en a pas, eh bien il faut les sortir. Si jamais il n'y a pas de Umara dans certains pays, s'il n'y a pas d'émir, eh bien il faut qu'il y ait soit un homme de bien, pieux, qui juge selon le livre et la sunna, qui prenne le pouvoir par la force, soit que les muslimines, les meilleurs des muslimines, parmi les ulama, etc., et les gens de bien, et les gens qui luttent dans le sentier d'Allah, qui se rassemblent pour nommer un émir. Et à ce moment-là, il faut l'écouter et l'obéir. Même s'il fait preuve d'une certaine injustice, même si des fois il n'est pas entre guillemets juste, il est obligatoire d'être juste pour lui. Et dans ce cas-là, il faut lui écouter l'obéir. C'est ce qu'il a vu C'est ce qu'il a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Et ensuite, il dit, wa annahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Et celui qui vivra parmi vous, il verra beaucoup de divergences. Subhanallah. Comme s'il avait vu notre hal. Les divergences entre les gens. Selon les pays. Selon les madahib. Hein, les écoles. Selon les aqa'id. Les différentes croyances. Hein. Selon les groupes. Celui-là est les frères musulmans. Celui-là est les tablirs. Celui-là est les soi-disant salafis. Celui-là est les, etc., etc. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fa alaykum bis sunnati. Alors, suivez ma sunna. Eh, tu veux sortir de cette divergence-là? Eh ben, suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdidin. Et la sunna de mes califs bien guidés. Rashidin al-mahdidin. Deux mots pour dire bien guidés. Eh, suivez la sunna des khulafa. La sunna d'Abu Bakr Siddiq. La sunna de Omar ibn al-Khattab. La sunna de Uthman ibn Affan. La sunna de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Addu alayha bin nawajid, cramponnez-vous-y avec vos dents. Wa iyyakum wa muhtathat al-umur, et faites attention aux nouveautés dans la religion. Toutes les nouveautés dans la religion. Nouveautés dans la religion, ça implique tout. Les gens, ils pensent direct à des choses qui sont des bid'ah. Le maulid, la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun est au bid'ah. D'autres bid'a qu'on trouve dans les mosquées, que sais-je, le mihrab, cette niche-là qui met dans la mosquée, c'est une bid'a. Décorer les mosquées, c'est une bid'a, etc., etc., c'est vrai. Avant tout, les grandes bid'a, quoi. Le fait de renier les attributs d'Allah, comme ils font le Jahmiyyah ou l'Asha'ira. Le fait de dire que la foi, c'est juste dans le cœur, comme ils disent le Murji'a ou le Jahmiyyah. Le fait d'insulter les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils font le Shia ou le Rawafid. Le fait de dire qu'on peut arriver à l'islam par le kofr. Comme ils disaient à notre époque, on peut soi-disant établir l'État islamique par la démocratie, ou réaliser un intérêt soi-disant pour la communauté musulmane, en associant Allah Azza wa Jalla dans son jugement, en pratiquant la démocratie, qui est une religion autre que la religion islam. Celui qui l'apprend, il a délaissé l'islam. Le tawhid wa shirk, d'oddan il ashtami'an. Le tawhid et le shirk, l'unicité et l'association, sont deux inverses qui ne se rassemblent jamais, comme ils ont dit les religions. Tout cela, c'est des bid'ahs. Certaines font sortir de l'islam, d'autres ne font pas sortir de l'islam qu'après l'établissement de la preuve, d'autres ne font pas sortir de l'islam, mais rendent la personne pécheur, comme le bid'a dans l'ibadat, comme le maulid, comme l'askar al-bid'iyya, les rappels innovés, etc., etc. Et il nous met en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kulla bid'atin dalala. Car toute nouveauté est un égarement. Il n'y a pas d'exception. Toute innovation est un égarement. Ce hadith, il est rapporté par l'imaman Abu Daoud ou al-Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun sahih, qui a dit, c'est un hadith bon et authentique. Qala Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, inna nasan yujadilunakum bishubah al-Qur'an, fakhuzuhum bis-sunan, fa inna ashab al-sunan a'lamu bi kitabillahi azza wa jal, rawahu al-ajurri fi al-shari'a. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a détaillé, il nous a montré, il nous a donné un grand conseil ici. Il a dit quoi? Les gens argumentent avec vous, avec les ambiguïtés du Coran. Les versets ambigus du Coran. Comme ils font Ahl al-Bid'a, les innovateurs, ils sortent un verset qui n'a rien à voir, etc. Fakhudhuhum bis-sunan. Alors, amenez-leur les sunan, c'est le purée de sunna, les hadiths. Ensuite, il a dit quoi? Car les gens de la sunna sont plus savants dans le livre d'Allah. Ça, c'est rapporté par l'imam Al-Ajurri dans son livre Al-Sharia, Al-Athar, raqm 94, numéro 94. Je donne les références à chaque fois, comme ça personne ne peut dire d'où il a sorti, etc., etc. Que ce soit les versets, les hadiths ou les paroles des ulama. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Coran, il vient expliquer, la sunna, pardon, elle vient expliquer le Coran. Donc si la personne y connaît les hadiths, il va connaître l'explication du Coran. Et il aura beaucoup plus de science sur le Coran que celui qui ne connaît, soi-disant, que le Coran. La parole de Omar signifie donc que les gens qui argumentent avec le Coran, avec les choses ambiguës du Coran, c'est-à-dire les choses ambiguës dans le Coran, comme il l'a dit Allah Azza wa Jalla lui-même au début de Surat Al-Imran, comment on fait face à ces ambiguïtés dans le Coran? Par la Sunna. Parce que la Sunna, elle vient quoi? Elle vient expliquer le Coran et elle vient expliciter le Coran. Donc si l'innovateur il vient avec quelque chose et que la personne elle a une connaissance de la sunna, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va contrer directement cette innovation et cette ambiguïté. C'est ce que nous explique l'imam Ahmed, rahimahullah, lorsqu'il dit dans Ushul Sunnah, c'est une petite risale de quelques pages. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هي الاتباع وترك الهوى. الإمام أحمد رحمه الله يقول la sunna pour nous ce sont les traces littéralement, c'est-à-dire les choses rapportées du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et elle explique le Coran. D'accord? Et elle est la preuve du Coran. D'accord? Et il n'y a pas d'analogie dans la Sunna. On ne la comprend pas. Ni par la raison, ni par les passions. Mais par le suivi et le fait de dépasser les passions. C'est-à-dire, quand il te vient le hadith, que le hadith il est sahih, ne fais pas passer ta raison, soi-disant, comme ils font ce qu'on appelle l'aqlamiyyin. C'est les mu'tazila, certaines sectes. Tu suis. La sunna et le muslim, sa valeur, elle vient de son suivi du livre d'Allah, de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'application de ce qu'il enseigne. Ni de soi-disant son intellect, ni de ces choses-là. Adam li'itimad al-hadith da'if. Par contre, le hadith, il est de deux sortes. Le hadith sahih et le hadith da'if. D'accord? Le hadith sahih, il a un ensemble de conditions qui sont cités par les ulama dans leurs livres. Pour résumer, faire vraiment un très rapide résumé, on peut se suffire de la définition de l'Baykouni. La définition de l'Baykouni, qui est un savant dont la biographie n'est pas connue, qui a écrit un poème sur la science du hadith, dans lequel il dit « أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل » يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Donc ici il nous donne les conditions du hadith sahih. C'est quoi? وَمَا اتَّصَلْ إِسْنَادُهُ, c'est-à-dire dont la chaîne de transmission est continue jusqu'au prophète, jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'y a pas de chouzouz, c'est une forme de faiblesse, وَأَوْ يُعَلْ, et qu'il n'a pas de vice caché dans son isnad. D'accord? يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله, et qui est rapporté par une personne digne de confiance, d'une personne digne de confiance. Comprenez ce que je veux dire? Le hadith sahih, c'est ces conditions-là. Comme quoi, sa chaîne de transmission, elle doit être établie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à celui qui le rapporte. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, etc., etc. Et quand ils étudient ce isnad, ils étudient les hommes de ce isnad, les ulama. Et ils voient que ces gens-là, ils ont deux choses. As-sidqu wa ad-dabtu, qui sont véridiques, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de péché, qu'ils ne sont pas des menteurs, etc., etc. Et ad-dabt, qu'ils ont une bonne mémoire. D'accord? Et qu'il n'y a pas de shuzud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, je ne sais pas comment on pourrait traduire, al-hadith. Ash-shad, c'est qu'il y a des écrits en français sur la science du hadith. On va rentrer dans les détails, parce que c'est une science dont la personne a besoin lorsqu'il atteint un certain niveau dans la science, qui fait par le Bérim. Et ce niveau est, à notre avis, indispensable, c'est-à-dire, il faut la langue arabe pour arriver à ce niveau. Au yu'al, il doit pas avoir de vice caché. C'est-à-dire qu'il y a certaines sortes de faiblesses dans les hadiths. Bien sûr, c'est ce genre de hadiths qu'on trouve ni dans le Bukhari, ni dans le Muslim. Qui sont cachés. C'est-à-dire, là, le zahir al-isnad, sahih. Le isnad, en apparence, il est authentique. Mais les savants parmi les anciens, comme l'imam Ahmed, comme l'imam Abu Hatim al-Razi et son fils Ibn Abi Hatim al-Razi, ils ont rassemblé, ils ont trouvé les causes de faiblesse qui vont être cachées. L'essentiel, c'est que le hadith, lorsqu'il est daïf, lorsqu'il est faible, il est interdit de s'y baser dans la religion. D'accord? Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, numéro 107, comme quoi Az-Zubayr a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Oh, Bukhari. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prenne sa place en enfer. Donc, celui qui forge un hadith, qui littéralement, il sait que c'est pas un hadith, malheureusement, ça arrive à certaines personnes, ça peut arriver à certaines personnes, mais en général, les musulmans, les salihins, etc., ils font pas ça. Ils attribuent pas. Des fois, ils le font par erreur. Là, on parle de volontairement. Celui qui attribue volontairement une parole au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'a pas dite, qu'il prenne sa place en enfer. Ça indique Ça indique qu'il faut faire très attention lorsqu'on rapporte quelque chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En être sûr. Vraiment en être sûr. Ne pas attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose sans en être sûr. Et l'imam Muslim, il rapporte dans l'introduction de son sahih, qui est une base dans la science du hadith, bab, an-nahy anil hadith bi kulli ma sami', l'interdiction de rapporter tout ce qu'on entend. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kafa bil mar'i kadiba an yuhaditha bi kulli ma sami'. Il suffit pour l'homme de mentir qu'il rapporte tout ce qu'il entend. D'accord? Une personne, il rapporte tout ce qu'il entend. Tout ce qu'il entend, il le rapporte comme ça. Il dit, voilà, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. La plupart du temps, qu'est-ce qu'il va dire? Il va mentir. Et les gens, ils vont mentir et lui, il va rapporter des mensonges. De même pour les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit pas de dire, j'ai lu dans un livre ou j'ai entendu un chir dire. Il faut savoir d'où ça sort. D'accord? Est-ce que ce hadith, qui l'a rapporté et s'il est authentique? D'accord? C'est très important parce que la personne, sinon, il peut tomber dans l'un des deux hadiths. Soit il ment volontairement sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prend sa place en enfer. Soit il rapporte des mensonges, et qu'est-ce qu'il est alors? Menteur aussi. Donc il risque aussi de finir en enfer. L'imam Muslim il rapporte, dans l'introduction de son sahih aussi, « Bab, bayani anna l'isnada min ad-din, wa anna riwayata la takun illa an istiqat, wa anna jahrwa bima huwa fihim jaiz, bal wajib, wa annahu laysa min al-ghibati al-muharramati, bal min ad-dabbi an al-shari'ati al-mukarrama. » L'imam Muslim, rahimahullah, il a quoi? Il a résumé ici la science du hadith. Il dit quoi? Chapitre. Comme quoi le isnad, la chaîne de transmission, fait partie du din. Ça veut dire que nous, notre din, il nous a été transmis par des hommes. Tout ce qu'on dit aujourd'hui nous a été transmis par des hommes. Le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les livres des gens de science, parmi les salafs et ceux qui les ont suivis dans le bien. D'accord? Tout nous a été transmis avec une chaîne de transmission. Tout ça, ça fait partie du din. Et ensuite il dit, et on ne rapporte que de qui? Le as-siqat, des gens qui sont dignes de confiance. D'accord? Et le fait de critiquer un rapporteur, quelqu'un qui rapporte le hadith ou un savant ou quoi que ce soit, il dit, cela est permis. Mais même c'est obligatoire. C'est-à-dire, si on sait qu'une personne, il a mauvaise mémoire, les anciens, c'était obligatoire de dire aux gens, cette personne, il a mauvaise mémoire. Faites attention à son hadith. Dans notre époque, on dit, attention, ce savant, il est égaré. Hein? Ou telle secte, elle est égarée. Faites attention à cela, ne prenez pas votre science d'eux. D'accord? وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ. Cela ne fait pas partie de la médisance interdite. D'accord? Mais ça fait partie de la défense envers la charia. C'est défendre ce din. Dire aux gens, faites attention, ce hadith il est daïf, cette chose-là c'est une bid'a, cet homme-là c'est un égaré. Tout ça, ça fait partie de la défense de la charia. On défend la charia en faisant cela. Bien sûr avec des conditions. La personne ne le fait pas en suivant le hawa. Parce qu'il a un problème personnel avec une personne, on va dire, c'est un égaré. Non, il le fait par rapport au din. Il se peut que cette personne lui soit taïb, il soit bien, même qu'il soit pieux. Ce n'est pas la question, on ne parle pas de ça. On parle de la bid'a dans le din, ou carrément d'appeler au shirk, ou d'appeler à la bid'a, ou d'avoir, à l'époque des salafs par exemple, d'avoir une mauvaise mémoire qui fait que la personne il se trompe parce qu'il rapporte un hadith, etc. etc. Et il rapporte la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui est un tabi'i, qui dit, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette science est une religion. Toute la science qu'on apprend là, tout ce ilm qu'on apprend, c'est un din. Faites attention de qui vous prenez votre din. Ça, ne le prenez pas de n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands conseils qu'on pourrait suivre à notre époque. Ne prenez pas le din de n'importe qui. Ils vont vous égarer. Ne prenez pas le din de n'importe qui. Et c'est pour ça qu'on pose ces usul aujourd'hui, et ces qawa'id, ces bases et ces règles. Ici, on est en train de parler d'où tu prends ton din. Du livre d'Allah, de la sunna, des salafs, etc. etc. Et il rapporte aussi du même Ibn Sirin, rahimahullah, il dit, لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدعة فلا يأخذ حديثهم حديثهم عفوا. Et il rapporte Ibn Sirin comme quoi il a dit, les gens ne demandaient pas à propos de l'Isnad. C'est un tabi'i, c'est-à-dire c'est un élève des compagnons. Il parle à l'époque des compagnons, au début des tabi'i, les gens ne demandaient pas l'isnad. Tout le monde était pieux, entre guillemets, tous les gens qui étaient dans cette science-là, ils étaient pieux, dignes de confiance, etc. Quand la fitna est venue, c'est-à-dire quand le bid'a, les sectes sont apparues, les égarements à l'intérieur de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être on en parlera par la suite, l'apparition de Qadariyya, l'apparition de Khawarij d'abord, l'apparition de Shia, l'apparition de Qadariyya, l'apparition de Murji'a, etc., etc. Et on sait, comme l'ont dit certains frères, qu'en quoi tout cela, c'est venu dans les lignes, qu'en quoi c'est souvent lié aux influences extérieures, c'est-à-dire au complot, particulièrement juif, et parfois chrétien, d'accord? Ils veulent corrompre la communauté de l'intérieur. Et donc il a dit, quand la fitna est tombée, on s'est mis à dire, nommez vos hommes, ça, et nommez les hommes de votre islam, nommez d'où vous avez pris le hadith. S'ils sont des gens de la sunna, prenez leur hadith. S'ils sont des gens de l'innovation, de bid'ah, ne prenez pas leur hadith. Pourquoi? Ça, il y a un tafsir au niveau de la science du hadith en tant que tel. Mais il est clair que si le mubtadi' il rapporte un hadith qui appuie sa bid'ah, il se peut qu'il l'ait forgé. On est d'accord. Il se peut qu'il l'ait inventé pour renforcer sa bid'ah. Donc on regarde la fonction du mubtadi'. On a demandé à l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est son fils, Abdallah ibn Ahmed ibn Hanbal, qala sa'altu abi, عن رجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي عن الضعيف فيجوز يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به قال لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح ويسأل الله ويسأل عن ذلك أهل العلم. Donc, Abdallah ibn l'imam Ahmed, le fils de l'imam Ahmed, Abdallah, il dit, j'ai demandé à mon père, à propos d'une personne qui a des livres chez lui. Dedans, il y a les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons et des suivants. Mais la personne ne fait pas la différence entre le hadith al-da'if, al-matruk, le hadith faible qu'on ne prend pas. Et il ne connaît pas la différence avec l'isnad al-qawi, la chaîne de transmission forte. Est-ce qu'il a le droit d'agir selon ce qu'il y a dans ses livres, c'est-à-dire il applique ce qu'il a dans ses livres. Et il choisit ce qu'il y a dedans, et il fait fatwa avec, et il agit selon ce qu'il y a dans ses livres. L'imam Ahmed, il a répondu, il a dit qu'il n'agisse pas jusqu'à ce qu'il demande. Qu'il demande à celui qui connaît la différence entre le hadith sahih et le da'if, qu'il lui demande quel est le sahih dedans, et il doit demander à propos de cela les gens de science. Adéquat. Alors que la personne, même s'il a des livres de hadith, pas le Bukhari ou le Muslim, mais d'autres, avant d'agir, avant de croire, il doit savoir si le hadith est sahih ou pas. D'accord? Donc c'est une obligation, ces choses-là, c'est des obligations. C'est une obligation pour les gens de science, pour les khotaba, pour ceux qui font des doros, pour etc., etc. Lorsqu'ils citent des hadiths, de citer si le hadith est sahih ou da'if. Déjà, que de citer que des hadiths sahih, et à la limite, s'ils citent un hadith da'if, de montrer aux gens qu'il est da'if. Ça, c'est dans l'ilm al-muqta'in de Ibn Qayyim rahimahullah, le volume 4. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على أحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 50 و200. ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى دي الإمام الشيخ الإسلام إلى دي il n'est pas permis de se baser sur la charia dans la charia sur des hadiths faibles qui ne sont ni authentiques ni hasana. C'est un niveau en dessous de la sihha. Le point suivant, wujub al-akhd bi fahm as-salaf. Une fois qu'on a pris ces deux, on a compris ces deux bases, l'obligation de suivre le livre d'Allah, ces trois bases, pardon, l'obligation de suivre le livre d'Allah, l'obligation de suivre la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction de se baser sur la ahadith al-da'ifa. La quatrième, l'obligation de suivre la compréhension des salaf. Qala Allahu ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله يديس كي سينيفي dans le verset 100 de sourate An-Nisa, la sourate 4, le verset 100. Et les premiers parmi les ceux qui ont devancé, as-sabiqoun, parmi les muhajirin et l'ansar, ici il parle de as-sahaba, hein, et ceux qui les ont suivis dans le bien ou dans la bienfaisance. Radiallahu anhum wa radu anhu, Allah les a agréés, Allah les a agréés, et ils l'ont agréé. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Éternellement, ils y seront éternellement, et ceci est la grande réussite. Ça signifie quoi? Qu'Allah, dans ce verset, il nous a parlé de muhajirin wal ansar, des émigrés et des auxiliaires, de ceux qui ont secouru le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des gens de Médine, et de ceux qui les ont suivis. Donc Allah, c'est comme s'il nous avait ordonné de les suivre. Et cela, Allah, il les a agréés. D'accord? Ce verset-là, il nous indique qu'il faut non seulement suivre le prophète, mais il nous faut suivre les salaf. Il faut suivre les anciens parmi les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, les tabi'in. Ce qui concerne les hadiths, le premier, on l'a déjà cité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sunan Abi Daoud et Sunan Tirmidhi, on l'a cité. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit juste sa sunna à lui, mais la sunna aussi des califes bien guidés. D'accord? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Donc il faut suivre aussi les salafs. Et les plus grands des salafs sont bien sûr les quatre califes, qui sont les meilleurs des hommes après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي مات على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي ما يصنع ذلك وأن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أخرجه الترمذي بإسناد حسن. عبد الله بن عمرو il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il arrivera à ma communauté ce qui est arrivé aux fils d'Israël. Bani Israël, tout ce que vous voyez dans le Coran, leur coffre, leur shirk, le fait qu'ils mangeaient le riba, le fait qu'ils n'ordonnaient plus le bien, ils n'interdisaient plus le mal, le fait qu'ils ont adoré l'ijl, le fait qu'ils ont pris le jugement du tarot, le fait qu'ils ont changé la loi d'Allah. Lisez le Coran, vous verrez tout ce qui est arrivé à Bani Israël. Tout ça, ça va arriver à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je dis ça va arriver au futur. C'est arrivé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui suivront pas à pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Même si, parmi les Bani Israël, certains, qu'Allah nous en préserve, ont eu des rapports avec leur mère en public, ils auront des rapports avec leur mère en public. Ça arrivera dans notre communauté, waliyadou billah. Et ensuite, il nous explique. Et les fils d'Israël, les fils d'Israël, Ben Israël, se sont divisés en 72 sectes. Et ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes dans le feu de l'enfer, sauf une. C'est qui cette secte, cette firqa, cette milla, cette voie, qui n'ira pas dans l'enfer? Ils l'ont demandé. Et quelle est-elle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et il a répondu, qala ma ana alayhi wa ashabi. Ceux qui sont sur ma sunna et sur celle de mes compagnons. Ceux qui suivent ce sur quoi je suis et ce sur quoi sont mes compagnons. C'est-à-dire, c'est conditionnel. Si tu veux faire partie de la secte sauvée, si tu veux pas faire partie des sectes de l'enfer, les sectes infernales, il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faut suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension du din. Dans la compréhension du din. L'imam Ahmed rahimahullah, il a dit dans Usul Sunnah: Usul Sunnah indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarku al-bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dalala. L'imam Ahmed rahimahullah a dit: les bases de la Sunnah pour nous, ce sont ceux sur quoi se cramponner à ceux sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux être sur la sunna, dans le sens être un sunni, dans le sens être membre de la secte sauvée, al-firqatun najiya, qui est cité dans le hadith précédent, ne pas faire partie des 72 sectes, il faut que tu suives les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa l'iqtida'i bihim, le fait de les suivre, de les prendre comme exemple. Wa tarkul bid'a, et le fait de délaisser les innovations. Donc la base de la sunna, al-furqan, le critère pour faire partie des gens de la sunna, c'est non seulement le suivi du Coran, non seulement le suivi de la sunna, mais le fait de suivre les sahaba, les tabi'in, de suivre les salaf, la première génération. Et pourquoi on suit les salaf? Parce qu'ils sont les plus savants sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu: walladhi la ilaha ghayruh ma nazalat ayatun min kitabillah إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه parmi les plus savants des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم après les quatre califes, il dit: par celui qu'il n'y a pas de digne d'être adoré sauf lui, والذي لا إله غيره, nul verset du livre d'Allah n'est descendu sans que je sache sur qui elle est descendue et où elle est descendue. Tous les versets du Coran, il sait la cause de révélation, sur qui elle est descendue, etc. Et dit, si je connaissais quelqu'un de plus savant que moi sur le livre d'Allah et que je puisse l'atteindre, je prendrais ma monture et j'irai le voir. Enfin, sans, en toute modestie, parce qu'Abdullah ibn Mas'ud, c'est quelqu'un qui connaît pour sa modestie, son zuhud, son ascétisme et tout, il connaît personne qui est plus savant que lui dans le livre d'Allah. Jazman, هذا بعد الخلفاء الراشدين, c'est-à-dire c'est après les quatre califes. وقال الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. Et ça, c'est une grande preuve aussi. Le même Abdullah ibn Mas'ud dit, l'homme parmi nous, c'est-à-dire parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il apprenait 10 versets, il n'apprenait pas les 10 versets suivants jusqu'à ce qu'il sache leur sens et qu'il agisse selon ces versets. C'est-à-dire, dès qu'il apprend, il apprend ces versets, il applique. C'est ça qui a élevé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a élevé les salafs en général sur al-khalaf. Donc, قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. أبو عبد الرحمن السلمي يبدي ceux qui nous faisaient lire le Coran, ceux qui nous faisaient lire le Coran, c'est-à-dire parmi les compagnons, et ils nous ont dit, ils nous ont rapporté qu'ils lisaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils apprenaient 10 versets, ils n'apprenaient pas les 10 versets suivants jusqu'à ce qu'ils agissent selon ces 10 versets. Et c'est ainsi qu'ils ont appris le Coran et ils ont appris aussi l'acte, les actions en même temps. Et dans le même sens, il est rapporté d'Ibn Abi Mulayka, قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ابن أبي مليكة يقول j'ai vu مجاهد avec ابن عباس, عبد الله ابن عباس le cousin du prophète parmi les plus grands savants sur le livre d'Allah, les plus grands savants du tafsir. Il dit j'ai vu مجاهد avec ابن عباس, il lui posait des questions sur le tafsir des versets. Et avec lui, il y avait ses alwah, ses planches, sur lesquelles il écrivait. Et il lui disait, Ibn Abbas lui disait, écris, jusqu'à ce qu'il lui ait demandé tout le tafsir. C'est-à-dire, Mujahid, il a lu tout le Coran sur Ibn Abbas, et il a pris tout le tafsir d'Abdullah ibn Abbas. وَلِهَذَا كَانَ سُفْيَانَ الثَّوْرِي يَقُولُ إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدْ فَحَسْبُكَ بِهِ. Et c'est pour cela que Sufyan al-Thawri, parmi la troisième génération, disait, si le tafsir te vient de Mujahid, cela te suffit. Quitte. Il a quoi? Il a lu tout le Coran sur Abdullah ibn Abbas. Voilà comment ils se sont transmis le din. Et voilà pourquoi les trois premières générations sont les plus savants sur le livre d'Allah. Toutes ces récits qu'on vient de citer, d'Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abbas, etc., etc., ils sont tous rapportés par Ibn Kathir, rahimahullah, fi muqaddimati tafsiri, dans l'introduction de son tafsir. Avant d'écrire son tafsir, il a fait une introduction, il a cité toutes ces choses-là. وقال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى الأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد دل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار في شرح السنة صفة 25. أبو محمد البربهاري رحمه الله سيد الإمام qui a écrit une petite risala très très très riche qui s'appelle Sharh al-Sunnah, l'explication de la Sunna, dans laquelle il donne des bases de l'Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Il s'appelle Abu Muhammad al-Barbahari. Il dit les bases sur lesquelles sont al-Jama'a, c'est-à-dire Ahl-Sunnati wal-Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, c'est-à-dire ceux qu'on a cités, la secte sauvée. Parmi les 73 sectes, il y en a une seule qui est sauvée, ce sont eux, les gens de la Sunna et de Jama'a, ce qu'on appelle les sunnites, les vrais sunnites entre guillemets. Al-Sunnati wal-Jama'a, Ajan al-Sunna et du groupe. Il dit cette base-là, ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah la fasse miséricorde. Ils sont, c'est eux, Al-Sunnati wal-Jama'a. C'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu. Avant d'être l'imam Malik, l'imam Ahmad, ibn Taymi, etc., ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne prend pas d'eux, il s'est égaré et il a innové. Celui qui prend son din, l'interprétation du Coran, de la Sunna, quoi que ce soit, d'autres que les compagnons, il s'est égaré et il a innové, directement. Et ensuite il dit al-Babahari wa kullu bid'atin dalala, et toute innovation est un égarement. Et l'égarement, et les gens de l'égarement sont dans le feu de l'enfer. Sur le Sunnah, la page 25. Voilà comment les salafs y comprenaient leur din. Voilà comment les a'imma y comprenaient leur din. Non, tu fais pas passer la parole de ton cheikh ou de ton imam à notre époque avant le livre d'Allah, ni avant la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ni avant la compréhension des salafs. C'est ça qu'ils font les gens. D'accord? Ni la compréhension de Hassan al-Banna avant la compréhension des salafs. Ni la compréhension de Mohamed Ilyas, le fondateur d'Etablir, avant la compréhension de Mohamed. Ni la compréhension de Yusuf al-Qardawi avant la compréhension des salafs. Ni la compréhension de l'Albani avant la compréhension des salafs. Ni la compréhension de Imran Hussein, de Tariq Ramadan, de Rachid al-Ghannouchi, de Madrimen avant la compréhension des salafs. C'est ça le problème des gens. La base du problème des gens de l'Firaq, An-Nariya, de ceux qui font partie des 72 sectes, on dirait aujourd'hui qu'il y en a plus, mais s'il reste 72 selon la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça leur problème. Soi-disant, ils te prennent le Coran, qala Allah. Soi-disant, ils prennent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qala Rasulullah. Mais la compréhension des sahaba, ils la prennent. Billahi alaykum, Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, il a combattu les gens qui refusaient de donner la zakat et les gens qui ont suivi Moussa Ibn al-Kadhdhab. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont unanimes comme quoi celui qui délaisse la salat, c'est un kafir murtad, comme c'est rapporté dans beaucoup de livres. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont unanimes sur telle chose, et on voit les gens qui s'écartent complètement de ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un seul des compagnons du prophète qui nous a dit que Allah, il n'était pas au-dessus de toute chose? Hacha wa kalla. Ils sont tous d'accord pour dire que Allah, il est au-dessus de toute chose, au-dessus de son trône, que le trône, il est au-dessus des sept cieux. Tous les Asha'ira, tous les Maturidiya, tous les Jahmiya, ils sont tous opposés à cette chose-là. Ils sont opposés à la compréhension des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un seul des compagnons qui disait comme quoi une personne, s'il délaisse l'amal, jins l'amal, l'ensemble des actes, il reste quand même sur le tawhid de l'islam, il y a eu unanimité des sahaba sur cette question-là. Est-ce qu'il y a un seul parmi les sahaba, ou les tabi'in, qui disait que si une personne, il adore un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est ignorant et qu'il pense être bien guidé, que cette personne-là, il est muslim, billah, jamais ils trouveront, même s'ils cherchent pendant des siècles, ils trouveront jamais ces questions-là. Est-ce qu'il y a un seul parmi les sahaba et les salaf qui ont rendu permis de faire un shirk al-akbar pour soi-disant construire des mosquées? Tu vas voter pour le tarot pour qu'il te donne de l'argent pour construire ta mosquée. Tu vas voter pour le tarot pour soi-disant appliquer la sharia comme ils font dans certains pays. On voit ce que ça donne. On voit ce que ça a donné à Gaza. C'est sous le jugement de Hamas. On voit ce que ça a donné Mursi, on voit ce que ça a donné le Ghannouchi, on voit ce que ça a nommé le fils, etc., etc. Wallah al-Musta'an. La question suivante, c'est très important. Tahrim al-qawli ala Allah bila ilm. Wa tahrim al-ifta'i fi dinillah bima yukhalif al-nusus. On a pris le titre directement de Ibn Qayyim d'A'lam al-Waqi'i. L'interdiction de parler sur Allah sans science. L'interdiction de faire des fatwas, de donner des avis dans la religion d'Allah, dans ce qui s'oppose au texte. C'est ce qui oppose au texte de la sharia. Ça, on le voit tous les jours. Soit la personne, il parle sans science sur le din, soit la personne, il dit le contraire du din. Il donne des fatwas, il dit aux gens, ça c'est halal, ça c'est haram, sans se baser sur la sharia. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَطَنْ والإثم والباغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Mon Seigneur m'a interdit al-fawahish, les turpitudes, tout ce qui est accès au sexe, la fornication, l'adultère, l'homosexualité. ما ظهر منها وما بطن, ce qui est apparent et ce qui est caché. والإثم والباغي بغير الحق, le péché et l'agression sans droit. Ensuite, wa antushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, et que vous associez à Allah ceux dans lesquels Allah ne vous a donné aucune preuve. Le shirk, il n'y a jamais aucune preuve. Wa antaqulu ala Allah ma la ta'lamun, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, subhanallah, dans certains cas, c'est pire que le shirk. Parler d'Allah sans science, c'est pire que le shirk. Bien sûr, lorsque la personne mécroit et lui attribue un fils, hein, il renie les attributs d'Allah Azza wa Jal et il dit qu'Allah est dans toute chose, comme le disait Al-Jami, Al-Kafara, où il renie l'élévation d'Allah au-dessus de sa création, ou Al-Istiwa al-Arsh, l'élévation au-dessus du trône, comme font Al-Jami, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Ahbash, et l'akhir. De même, Allah Azza wa Jal dit, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah a jugé d'une chose et son messager, qu'ils aient le choix. Il ne leur appartient pas d'avoir le choix ou de s'en détourner. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il s'est égaré d'un égarement évident. C'est dans Surat al-Ahzab, le verset 36. Et Allah dit dans Surat al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Il dit dans Surat al-Isra, le verset 36, et ne dis pas ce sur quoi tu n'as aucune science. La taqfu, certains ont dit, ne dis pas ce sur quoi tu n'as aucune science, ou ne suis pas ce sur quoi tu n'as aucune science. Ne suis pas non plus la parole des gens sans le dalil du livre d'Allah, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des pieux prédécesseurs et salafs salih. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Et lui, la vue et le cœur, tout cela tu seras questionné. Tu seras questionné sur tout cela. Yawm al-Qiyam, tu demanderas, tu seras questionné sur tout cela. Le point suivant, an-nahyu an al-bid'ah, l'interdiction des innovations. On va essayer de résumer. Aïcha rapporte, radiallahu anha, wa la'ana Allahu man la'anaha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans notre ordre quelque chose qui n'en fait pas partie, il sera rejeté sur lui. Mardoudun alayhi, elle sera rejetée sur lui. Toute innovation sera rejetée sur lui. La personne, Allah, il accepte pas les innovations. Ta croyance innovée, Allah, il te l'accepte pas, et même il te châtiera pour elle. Ton acte innové, Allah, il l'accepte pas. Soit il te châtie, soit au moins il l'accepte pas, il l'annule. Pour ceux qui font des salats innovés, etc., etc. Et on a déjà vu au début de cette recherche, au début de ce ba'th, comme quoi, on a dit, وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Et toutes, et les pires des choses sont les nouveautés dans la religion. Toute nouveauté est une innovation. Toute innovation est un égarement. Tout égarement est dans le feu de l'enfer. Abdullah ibn Mas'ud a dit, ittabi'u atharana, wa la tabtadi'u, faqad kufitum. Abdullah ibn Mas'ud dit, suivez nos traces, c'est-à-dire suivez les traces des compagnons. Wa la tabtadi'u, et n'innovez pas, faqad kufitum. Et cela vous a suffi. Cela vous suffit. Ça te suffit. Encore une fois, la valeur du muslim, elle n'est pas sur son intellect, ni sur sa richesse, ni il a du aql, il dit des choses, il réfléchit, il parle bien. Non, t'as suivi. Tu suis le livre d'Allah, tu suis la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu suis les salafs, khalas. Ça suffit comme valeur. Donc, qala Abdullah ibn Mas'ud kadhalik, al-qasd fi sunna khayru min al-ijtihad fi al-bid'ah. Le fait de faire peu dans la sunna, c'est mieux que le fait de faire beaucoup d'adoration dans la bid'a. Pourquoi? Parce qu'Allah, il accepte pas la bid'a. Et tout cela est rapporté dans l'I'tisam, page 661, d'Abu Ishaq al-Shatimi. Et je m'en garde contre ce livre pour les arabophones. La première partie du livre est bien parce qu'il rapporte des athars des salafs. La deuxième partie, il y a, dans ce livre qui soi-disant est une condamnation de l'innovation, il y a lui-même des innovations. Et qui revient au livre du Sheikh Nasser al-Fahd, dans lequel il détaille les innovations et les erreurs dans l'aqida qu'il y a dans ce livre. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أنه قال يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره وإياكم وما ابتدع فأينما ابتدع ضلالا وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم قد يقول المنافق كلمة الحق رواه أبو داود. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان des plus grands des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم dit il va venir des troubles, des fitanes. Écoutez ces troubles, vous les reconnaîtrez. L'argent sera en grande quantité. le Coran sera ouvert. Tout le monde le prendra. Le croyant et le munafiq, l'hypocrite. L'homme et la femme. Le jeune et le vieux. L'esclave et l'homme libre. Puis une personne dira. Pourquoi les gens ne me suivent pas alors que je leur ai lu le Coran? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être suivi par les gens, d'accord? Donc il va commencer par leur lire le Coran. Et qu'est-ce qu'il se dit après? Ils ne me suivront pas jusqu'à ce que je leur innove autre chose. Hein? Il veut que les gens le suivent. Donc il va innover. On le voit, les têtes de la bid'a, de tout temps. C'est ça. Les têtes des sectes. Depuis Abdullah ibn Saba, en passant par Ilan al-Dimashqi, en passant par toutes les Wasil ibn Atta, en passant par toutes les têtes des sectes. Jusqu'à notre époque. Ils ne me suivront pas tant que je n'aurai pas innové. Et Mu'adh ibn Jabal, il donne le conseil ici. Iyakum wa iyakum abtudi'a. Faites attention à ce qui a été innové. Car tout ce qui a été innové est égarement. Et je vous mets en garde contre l'erreur ou l'égarement du sage. Car le shaitan peut dire la parole de l'égarement sur la langue du sage. Il se peut qu'un sage, une personne sage ou pieuse ou quoi que ce soit, shaitan il fasse apparaître l'égarement sur sa langue. Et il se peut que l'hypocrite dise la parole de vérité. Subhanallah. Ce hadith il est rapporté par Abu Daoud, le hadith numéro 4611. Et Sufyan al-Thawri a dit, rahimahullah ta'ala, Sufyan al-Thawri a dit, البدعه احب الى ابليس من المعصيه والمعصيه يتاب منها والبدعه لا يتاب منها البدعه l'innovation elle est plus aimée à Iblis au diable que la désobéissance. Iblis il préfère que la personne innove dans la religion do qu'il désobéisse à Allah. Pourquoi? Car la personne lorsqu'il désobéit à Allah il se repent. Alors que celui qui est sur la bid'a, il ne se repent pas. Pourquoi? Parce que celui qui innove dans le din, celui qui suit les sectes innovées, ou les groupes innovés, ou les paroles innovées, il pense qu'il est dans le din, il pense qu'il est dans le haq. Il pense qu'il est dans le haq. Donc il ne va jamais se repentir. Pourquoi il se repentirait? De le haq. C'est une grande sagesse qu'il y a dans cette chose, dans cette parole-là. Et il faut la méditer. Cette parole de Sufyan al-Thawri, elle est rapportée par de nombreux auteurs, parmi eux par Al-Lalika'i, dans son Sharh Usul al-Itiqad, et dans une petite risala du Cheikh Mohammed bin Abdullah qui s'appelle Fadl al-Islam. وعن سعيد المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع السجود فنهاه فقال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. سعيد مسيب كان تابعي avait un homme prier après que le fajr se soit levé, faire plus de deux rak'a. Normalement, lorsque le fajr se lève, avant de faire l'obligatoire, on fait deux rak'a, sur l'obligatoire. Il a vu cette personne-là faire plus de deux rak'a et faire beaucoup de recours et beaucoup de sujoud. Il lui a interdit. Il lui a dit, ne fais pas cela. Il lui a dit, Abu Muhammad, c'est son kunya. Il lui a dit, Abu Muhammad, est-ce qu'Allah va me châtier sur la salat? Tu l'entends, ça, dans la bouche de certains qui font des innovations. Est-ce qu'Allah va me châtier pour la salat? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Sa'im Sa'im? Il lui a dit, non. Mais on va te châtier parce que tu t'es opposé à la sunnah. C'est rapporté par Al-Khatib Al-Baghdadi dans le Faqih Al-Mutafaqih. Qala Abu Muhammad Al-Barbahari, l'imam Barbahari dit: "Wahdhar sighar al-muhdathat min al-umur, fa inna sighar al-bid'ah ta'ud hatta tasir kibara. Wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma kana awwalaha saghiran yushbihu al-haqq. Fa iqtarra bidhalika man dakhala fiha, thumma lam yastati' al-makhraj minha." فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا وتسقط في النار في شرح السنة. البربهاري cette parole elle est un peu longue mais elle est très très importante. Il y a beaucoup de sagesse et d'enseignement comme dans les paroles des gens des premières générations. Al-Barbahari il est du 3e siècle. Fais attention aux petites innovations car les petites innovations finissent par devenir grandes. Et toute innovation qui a été inventée dans cette communauté, elle a commencé petite. Et elle ressemblait à la vérité. La bid'a, dans un premier temps, elle ressemble à l'haq. D'accord ? Beaucoup de gens ont été trompés et ils sont rentrés dans cette innovation. Et ils ne purent pas en sortir. L'innovation a grossi jusqu'à ce qu'elle est devenue un din, elle est devenue une religion que les gens suivent. Elle est devenue une religion que les gens suivent. Elle s'est opposée ensuite à la voie droite, as-sirat al-mustaqim. Elle est sortie de l'islam. Beaucoup de bid'ah, elles ont commencé petites, on va le voir, c'est le point suivant, jusqu'à arriver carrément presque à la mécréance. Et alors on parle surtout de ce qu'on appelle bid'ah al-aqadiyya, le bid'ah qui concerne la croyance. Et ensuite il donne un conseil, il dit, regarde, qu'Allah te fasse miséricorde. Toute personne que tu entends parler dans ton temps de la religion, ne te précipite pas. Ne rentre pas dans ce qu'il te dit, ne suis pas ce qu'il te dit. Jusqu'à ce que tu regardes, que tu questionnes. Est-ce que l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Est-ce que l'un des savants a dit cela? On parle ici des savants qui suivent la sunna et salaf, pas de n'importe quelle personne qui se prétend être un savant, ou que les gens prétendent être un savant, ou qui voit à la télé. Ça c'est encore pire, même c'est plutôt le contraire. Toute personne que tu vois à la télé, chouk, doute. La télé elle est contrôlée par qui? Par le tawarif. Tu crois qu'ils vont te mettre les gens de l'hidayah dedans? Ils vont te mettre les gens de la sunna? C'est qui finance les télés? Regarde, c'est qui? Soit des juifs, soit des mubtadi'a, soit qui, que sais-je, les tawarid, etc. Tu penses qu'ils vont te mettre les gens de l'haq dedans? Il faut être fou pour penser ça. Il faut être fou pour penser qu'une personne qui passe à la télé, il va venir avec la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, cette image-là à la télé, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il a dit dessus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il a pas dit qu'il nous moussawwirin finnar, tout faiseur d'image est en enfer. Donc déjà, c'est qui ce alim qui accepte cela? Wallah al-musta'an. Donc il dit al-barbahar, il dit quoi? Ne rentre pas dedans dans ce qu'ils te disent, les gens de ton temps. Jusqu'à ce que tu demandes. Est-ce que l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Ou l'un des savants? Si tu trouves un asar, tu trouves un récit des salaf, accroche-toi à cet asar. Accroche-toi à cette parole des salaf. Wala tujawizu li shay, wala takhta alayhi shay. Il dit, et nous quoi? Et nous ne dépasse pas ce asar. Et nous laisse pas ce asar pour autre chose. De peur que tu tombes dans le feu de l'enfer. Ça, c'est une grande wasiyya de l'imam Barbahari, rahimahullah, c'est dans Sharh Sunna, les pages 26 et 27, l'édition, je crois, Maktabat Sunna. Chisson. Voilà. Voilà la wasiyya de l'imam Barbahari. Tu dois l'appliquer, toi, Abdallah, si tu veux être toi qui écoute, toi qui es là, tu dois l'appliquer ce wasiyya. C'est pas mon wasiyya à moi, c'est la wasiyya de l'imam Barbahari, rahimahullah ta'ala. Regarde. Ce qu'ils te disent les gens aujourd'hui dans le din. Est-ce que les sahaba, ils faisaient ça? Est-ce qu'ils disaient ça? Est-ce que les sahaba, ils disaient non, à notre époque, il n'y a pas de djihad, je ne sais pas quoi. À notre époque, il n'y a pas de hijra. À notre époque, on est amis avec les kuffars et on est des citoyens de leur pays. Est-ce que les salafs, ils se comportaient comme ça? Ou est-ce que pour les salafs, il y avait dar islam d'un côté, dar harb de l'autre côté? Et si celui qui est dar harb, il fait le hijra, il part. Hein? Il se séparait des kuffars. Carrément, les salafs, on va le voir, ils se séparaient d'ahl al-bid'ah. Que dire alors des kuffars? Le point suivant, khatm al-bid'ah. Le danger de l'bid'a. Et on l'a vu. Le danger de l'bid'a précédemment, on l'a vu dans le fait qu'il s'oppose à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore pire. Mohammed ibn Sirin, parmi les tabi'in, on l'a dit. C'est un proche d'Abu Huraira. Il a dit, Inni ara asra'an nasi riddatan ashab al-ahwa. Rawahu al-ajurri fi al-shari'a. Al-ajurri, dans son livre Al-Sharia, qui est un livre qu'il a écrit, qui rassemble les paroles d'Allah, du prophète et des paroles des salaf, c'est un livre azim jiddan. Il n'est pas traduit en français. Franchement, il mérite qu'on apprenne l'arabe, hein, que pour lire ce genre de livre. Et même un jour, il rapporte de Mohammed Sirin, comme quoi il a dit, je vois que les gens qui sont le plus rapides pour apostasier sont les gens des passions. Les gens qui suivent leur passion, ça veut dire les gens de Al-Bid'ah. Al-Bid'ah. Le Cheikh Mohamed Abdouhab, rahimahullah ta'ala, il explique cette parole-là dans ce livre Mufid al-Mustafid, Fikr al-Tariq al-Tawhid, il dit "Anna al-bid'a tajurru ila ar-riddati as-sariha kama wujida min kathir min ahli al-bid'a. Fa mithal al-bid'a allati shaddadu fiha mithl tashdid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi man 'abada Allah 'inda qabr rajul salih khawfan mimman waqa'a fi ash-shirk as-sarih alladhi yasiru bihi al-muslim murtadda. Fa man fahima hadha fahima al-farqa bayn al-bid'i وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها. الشيخ محمد عبد الوهاب nous explique et nous dit comme quoi le bid'a, elle amène les gens vers l'apostasie au bout d'un moment. Il dit par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde sa communauté contre le fait d'adorer Allah près de la tombe d'un homme pieux. On dit bien adorer Allah près de la tombe d'un homme pieux. Parce qu'il a dit, La'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid, comme alors le Bukhari ou le Muslim. Là, je commente la parole du Cheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala. Comme quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui prend les tombes des pieux et les prophètes comme lieu de prière. C'est ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire, il adore Allah, mais sur les tombes. D'accord? Ça, c'est le premier stade. Shaitan, il vient et il fait adorer Allah sur les tombes, comme c'est arrivé au peuple de Nuh, comme c'est arrivé à l'époque chez l'Asha'ara, Soufi, etc., les premières générations. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, le Shaitan? Il les a fait basculer jusqu'à ce qu'ils ont adoré les pieux eux-mêmes. Ils sont sortis de l'islam, ils ont fait Shirk al-Akbar. Comme il dit, de peur de tomber dans le shirk clair qui rend le muslim quoi apostat. Tout ça c'est dans Ad-Dur al-Sani, le volume 9, la page 432, on l'a dit dans le livre Mufid al-Mustafid. Le point suivant, on a bientôt fini inshallah, wujub at-tahdhir min ahl al-bid'ah, il est une obligation de mettre en garde contre les gens de l'innovation. En les nommant ou sans les nommer. L'essentiel, il faut mettre en garde les gens contre ceux qui innovent dans le din. L'imam al-Barbahari nous dit, rahimahullah, wa'alam, anna al-khuruj an al-tariq ala wajhain. Le fait de sortir de la voie droite est de deux sortes. On voit, c'est quelque chose, subhanallah, mufid jiddan. Amma ahaduhuma, farajulun qad zalla an al-tariq, wa huwa la yuridu illa al-khayr, fala yuqtada bih, fa innahu halik. ورجل عادد الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضيل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. Imam Babahari dit comme quoi les gens qui sortent de la voie, du bon chemin, du bon chemin de l'islam, ils sont de deux sortes. Regardez, vous verrez, vous reconnaîtrez devant vous. Pas besoin de donner des noms, quoi que ce soit, vous les reconnaîtrez. S'égarer de la voie de deux sortes. Une personne qui s'égare de la voie, mais qui ne veut que le bien. Il veut le khair. D'accord? Et malgré tout, il s'égare. Cette personne-là, il ne faut pas le suivre, car il est dans la perdition. Le deuxième cas, une personne qui s'est opposée à l'haq, et qui s'est opposée à ceux qui étaient avant lui parmi les gens qui craignaient Allah. Il s'est opposé à qui? Au salaf. Celui-là, c'est un égaré. Et un égareur. Et c'est un démon, il a dit. C'est un démon rebelle de cette communauté. Toute personne qui le connaît doit mettre en garde les gens contre lui. Et montrer son, et montrer son histoire afin que les gens ils ne tombent pas dans sa bid'a et qu'ils tombent dans la permission. C'est dans Sharh Sunnah, les pages 27 et 28. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومثل أمة البدعة من أهل المقالات المخالفة لكتاب السنة أو العبادات المخالفة لكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف وأحب إليك أو يتكلم في أهل البدعة فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله il a dit les têtes de la bid'a, on parle ici des imams de la bid'a, les têtes de la bid'a, pas des gens du commun. Ibn Taymiyyah il parle des têtes de la bid'a. Parmi ceux qui s'opposent au livre à la sunna, dans la croyance, ou dans, j'explique, ou dans les adorations. D'accord? Montrer leur état et mettre en garde la communauté contre eux est une obligation à l'unanimité des musulmans. Ici, il n'y a pas de divergence. Parce qu'aujourd'hui, on trouve des gens qui disent non, il ne faut pas parler sur Ahl al-Bida, c'est, comment ça s'appelle, ça va diviser la communauté, voilà comment ils disent. Ça va diviser la communauté. Déjà, c'est pas celui qui parle sur Al-Bid'a qui divise la communauté, c'est Al-Bid'a qui divise la communauté. Ce qui divise la communauté, c'est Al-Bid'a, Shirk, etc., etc. Khilaf al-Kitab al-Sunnah ou Hadith al-Salaf. C'est ça qui divise la communauté. Donc il dit le fait de mettre en garde dans la communauté contre les gens qui s'opposent au livre et à la sunna, parmi les têtes de l'innovation, c'est une obligation. Et ensuite il dit, il a été dit à l'imam Ahmed ibn Muhammad, l'homme jeune, l'homme pris est jeune. Est-ce que cela est mieux pour lui ou le fait qu'il parle sur les gens de l'innovation? L'imam Ahmed, il a dit, s'il prie la nuit, jeûne, ou atakaf, fait une retraite pieuse, cela c'est pour lui-même. D'accord? Ben, ça, c'est une, cette intervention, c'est pour toi-même. S'il parle sur les gens de l'innovation, c'est général, c'est pour les musulmans. Ben, ça, c'est pour la communauté. D'accord? Cela est mieux. C'est-à-dire, la personne, il faut pas qu'il soit trompé par cette parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et il arrête de prier, de jeûner sur l'oratoire et de faire un itikaf, et soi-disant, il parle sur Al-Bida, parce qu'on voit certains jeunes, ils pensent que c'est ça. Non. Les deux, les deux, tu le fais, Inch'Allah. Si t'as la science, tu mets en garde les gens contre les bida et contre le shirk avant tout. Et le bida, on a vu que le bida peut amener au shirk et au kufr. Et il prie, il jeûne, il prie la nuit, etc., etc. Il fait les bida. Il dit, فَبَيَّنَا أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ min jins al-jihad fi sabilillah. Il a montré que, par contre, l'imam Ahmed, il dit, Ibn Taymiyyah, que l'imam Ahmed, dans cette parole-là, il a montré que le fait d'inverser contre la bid'a, ça, c'est un bien qui va toucher tous les musulmans. D'accord? Alors que la salat, c'est un bien qui te concerne à celui qui fait la salat. Il dit, ça rentre, c'est une espèce qui rentre dans le jihad fi sabilillah. Ça rentre. C'est pas tout le jihad fi sabilillah. Ça rentre dans le jihad fi sabilillah. Et il dit, et تطهير سبيل الله ودينه ومنهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. Et il dit, le fait de purifier la voie d'Allah, le fait de purifier son din, son minhaj, sa voie, sa shir'a, sa législation, et de repousser l'agression de ces gens-là contre la religion, cela est une obligation collectif pour les musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi les musulmans, il y a des gens, leur rôle, ça doit être ça. De repousser les innovations. De mettre en garde les gens contre le shirk. Pas tous les musulmans. Une partie des musulmans, parmi les gens de science, une fois que la personne en a bien étudié, etc., etc., l'aqidah qu'elle a étudié, kutub al-tawhid, etc., etc., le salaf, et d'autres sciences, il y a des gens de la communauté qui doivent se spécialiser dans cela. Ibn Taymiyyah ici nous explique qu'on doit purifier le din de l'bid'a, c'est extrêmement important. Et c'est une obligation collective, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des musulmans parmi eux qui, comment ça s'appelle, qui font cela. Et il dit encore quelque chose encore plus important. Il dit, وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَا لَفَسَدَ الدِّينِ وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمْ مِنْ فَسَادِ السِّلَاءِ الْعَدُوُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. Il dit, et si Allah n'avait pas établi des gens qui combattent ou qui repoussent le mal de ces gens-là, la religion aurait été corrompue. C'est-à-dire la corruption des gens de l'innovation dans notre dîme, elle est même presque pire, comme il nous dit, parce qu'il dit quoi? La corruption de ces gens-là est plus grande que la corruption de l'ennemi des gens de la guerre lorsqu'il prend le contrôle d'un pays. Donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans cette parole, il explique, il continue, il dit, فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تابعا أما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. مجموع الفتاوى جلد 28 صفحة 31 أو 200. Comme quoi, les gens de la guerre, c'est-à-dire les kuffars de base, lorsqu'ils prennent le contrôle d'un pays, ils ne corrompent pas les cœurs. Ou ils corrompent les cœurs, mais ça vient après. Alors que les gens de l'innovation et les égarés dans la religion, ils corrompent d'entrée les cœurs. C'est l'explication commentée de la parole de Ibn Taymiyyah. Donc il montre que contrairement à ce qu'ils disent certains innovateurs et certaines sectes, la nashtami'u fi ma ittafaqna alayh wa la ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Certains innovateurs de notre époque contemporaine, ils disent, nous nous rassemblons dans ce sur quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres dans ce sur quoi nous divergeons. Ils veulent dire pour là que quoi? Qu'on se rassemble avec les chiites, qu'on se rassemble avec les gens de l'innovation, avec Ubbad al-Kubur, les adorateurs de tombes, qu'on se rassemble avec eux, et qu'on s'excuse dans ce en quoi on diverge, même si c'est shirk, même si c'est bid'a, même si c'est l'insulte des compagnons. Non. On ne fait pas de compromis au niveau de l'aqida. On ne fait pas de compromis avec Ahl al-Bid'a. On ne se rassemble avec eux que s'ils se repentissent de leur bid'a, de leurs égarements et de leurs innovations. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم الله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.